Moi penché, manché, moi bon mauvais chant. Mangé, mangé, bon bonjour. Aïe, maman, pas bon mauvais chant. Mangé, mangé, bon bonjour. Moi pas une à manger, moi bon mauvais chant. Mangé, mangé, bon bonjour. Aïe, maman, bon moins bon petit chant. Mangé, mangé, bon bonjour. Moi pas bon soclo, moi bon mauvais chant. Mangé, mangé, bon bonjour. Aïe, maman, pas bon mauvais chant. Mangé, mangé, bon bonjour. Moi pas fait jalousie pour faire moins tout. Le montre la dancaille, le débordé. Au grand enveloppe, au bon coup de bouteille. Dans qualité jalousie, ça y est, ma paix débordé. Mangez, mangez, bon bonjour. Mangez, mangez, moi, bon mauvais gens. Mangez, mangez, bon bonjour. Aïe, maman, pas bon mauvais gens. Mangez, mangez, bon bonjour. Wapay, n'a mangez, moi, bon mauvais gens. Mangez, mangez, bon bonjour. Aïe, maman, pas moins bon petit gens. Mangez, mangez, bon bonjour. Wapé bam soclo, wapam mauvais gens. Mangé, mangé, bam bonjour. Aïe, maman, pas bam mauvais gens. Mangé, mangé, bam bonjour. Ça à toi.